Que s'est-il passé? Incompétence, nous manquions de cadre, bureaucratie outrancière, corruption, tout cela s'est conjugué pour anéantir le peu d'économie du pays. On trafiquait à tous les niveaux, les grands pour se faire construire des villas, les petits pour améliorer leur menu. On ne trouvait rien. Tout passait les frontières. L'agriculture négligée d'abord, puis victime de mesures irréalistes, s'est effondrée. La monnaie nationale était dévaluée. Cette situation créait des mécontents. Comme vous le savez, le parti n'a jamais tort. Sékou Touré n'avait jamais tort. Alors, on a trouvé des saboteurs de l'économie, des Guinéens anti-Guinéens, des comploteurs alliés aux forces ennemies de l'extérieur. On déclenchait des complots, on avait peur des hauts fonctionnaires, des syndicalistes, des ministres. Et pour rendre le tout crédible, on arrêtait des petits ou des grands commerçants, des fonctionnaires, des paysans. Cela faisait plus vrai. Mais tout cela n'a été possible que parce que dès avant l'indépendance, le PDG s'était imposé comme parti unique. Les représentants des autres partis avaient été obligés de rallier le PDG. Le PDG était tout puissant avec ses organisations de jeunes, de femmes, sa milice. Il noyait tout. L'armée, la police, l'administration, rien n'échappait au parti. Autre témoignage, celui de Fatou Condé, figure de proue du féminisme en Guinée, membre du Comité national des femmes du Parti démocratique de Guinée.